Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence soccer Saint-Jean. Il est revenu de Russie. Salut Benoît. Salut Danny Veilleux. Benoît, si on parlait un peu de ton voyage, comment ton voyage de retour. D'abord, si on comparait avec ton voyage en France, est-ce que c'est mieux? Ben oui, parce que en France, c'était il y a 20 ans, donc beaucoup d'expérience par rapport à ça, par rapport au match. Écoute, là-bas, on avait vu un match du Japon-Jamaïque qu'on avait acheté sur le fly. On était sur les Champs-Élysées, oui, lors de la victoire des Bleus, leur première étoile. Mais là, on était dans le stade, on a vu une demi-finale, on a vu des quarts de finale, on a vu quatre matchs incroyables. Donc oui, par rapport à ça... Je n'ai pas le choix de dire que ça se compare même pas, mais il y avait le cas les deux. Tu vois, c'est deux beaux voyages. Parce qu'en France, en 98, on était allé à Lyon, Montpellier, Saint-Étienne, Marseille, Paris. On a fait le tour dans les parcs, aller voir des matchs dans des pubs. On l'a fait en Russie aussi, mais plus des matchs directs dans le stade. Donc, par rapport à ça, je dois dire que la Russie l'emporte, c'est certain. Là. OK. Ton plus beau moment, c'est quoi? Plus beau moment, c'est la victoire de la France en finale. Être présent dans le stade d'une Coupe du Monde aux 4 ans, alors que c'est ton équipe que tu prends depuis 20 ans. Moi, je prends pour la France depuis 98. Ouais. Je me suis intéressé au soccer encore plus à partir de ce moment-là. Et puis, c'est l'équipe de la France qui remporte la finale. C'est ce match-là, le match de finale. C'est 1-1, penalty accordé. L'arbitre ne la donne pas. On va voir le nouveau système de reprise vidéo, le VAR qu'on appelle. Et puis, ça a été accordé. La France, Griezmann ne tremble pas, comme on dit. Il marque le but. Et, parce que si Griezmann manque son tir, ça bascule le match. Là. Un tir manqué à 1-1. C'est l'équipe qui vient de manquer son tir qui est en défaveur. Et les Croates, par la suite, je m'attendais à voir la France défensive plus un peu, mais non, ils ont continué à attaquer, ils ont mis ça 3-1, 4-1, même si c'est arrivé, mais en fin de match, avec une possession de balle plus pour que les Croates ont une meilleure possession de balle, je pense, mais à la fin, un mauvais but de Loris. Donc, mon match préféré, je mettrai en deuxième la demi-finale aussi, okay. Croatie-Angleterre, qui s'est terminé en supplémentaire. OK. Si on y allait maintenant, parce que j'ai vu des photos, t'as posté beaucoup de photos sur les médias sociaux. Les gens en Russie, est-ce que ça sentait vraiment que c'était la Coupe du Monde? Est-ce que ça sentait vraiment? Surtout les journées de match, je te dirais. Surtout les journées de match, dans les lieux plus centralisés de football, c'est quand on arrivait dans la fan zone ou quand on s'enlignait vers le stade ou les métros, les autobus, tu sentais qu'il y avait une effervescence. Mais dans des journées tranquilles où il n'y avait pas de match, oui, beaucoup d'affiches, les autobus en Russie affichés couleur, beaucoup d'annonces sur la Coupe du Monde. Ça, il y en avait partout, à plusieurs endroits, dans les quatre villes qu'on a faites, Kazan, Samara, Moscou et Saint-Pétersbourg. On a vu des affiches beaucoup dans les trains, dans les gares. Maintenant, il y a des moments tranquilles où il n'y avait pas de match, où souvent tu pouvais arriver puis ça parlait pas trop au foot. Les gens sont pas tous branchés foot. Hein. C'est comme ici, là, il y en a qui ne veulent rien savoir, mais c'est comme ça aussi là-bas. Quand tu dis qu'à Moscou, il y a 20 millions de personnes, ben, c'est pas tous 20 millions de fanatiques. Sauf que si la Russie avait gagné son quart de finale contre la Croatie, un match qu'on a vu dans une cour intérieure, mais là, je te dirais que l'effervescence aurait monté d'un cran avec l'équipe de Russie à demi-finale, parce que quand ils ont marqué, Danny, à une minute des arrêts de jeu à la fin, c'était 2-1 Croatie, puis là, égalisé. La Russie a levé, ça je peux te l'assurer, et nous autres on a levé aussi. Moi j'ai tombé ce soir-là, j'avais pris quelques bières, et c'était un beau moment. OK, mais Saint-Pétersbourg-Moscou, c'est-tu bien une grosse distance? Parce que t'es dans les villes, parce qu'on dit que la Russie c'est un peuple, c'est un pays tellement large, tellement, comment je dirais ça, c'est grand la Russie, surtout l'ex-Union soviétique, mais Saint-Pétersbourg... Moscou, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est rapproché l'un de l'autre? C'est pour se rendre à Saint-Pétersbourg, on a pris un train de nuit de 7 heures de temps. On a couché dans la... on a couché dans le train. Et pour le retour, on a pris un TGV de 3 heures à 210 km/h. Par rapport à la différenciation des villes, Je te dirais que Saint-Pétersbourg est beaucoup plus européen. Okay. C'est plus une ville européenne, à caractère européen, tu vois, que de, beaucoup de... Mais à Moscou aussi, là, mais à Moscou, c'est plus russe quand même. Là, tu vois que c'est la, la capitale de la Russie, c'est quand même Moscou, avec la place rouge, ces endroits-là. Là. Mais c'est deux belles grandes villes, c'est deux villes différentes, mais c'est sûr que tu retrouves un peu des fois les mêmes choses un peu dans, les, dans ces grandes villes-là. Hein. La ville de Montréal, des fois, dans les centres-villes, on peut retrouver des ressemblances un peu, mais les centres-villes à Moscou et Saint-Pétersbourg, mais c'est gros, c'est immense. Là. OK, OK. Si on, puis t'as acheté beaucoup de souvenirs, on a vu ça, là, c'est incroyable. Là. Ben moi, Danny, les achats que j'ai faits, bon, des achats personnels, des gilets, les, j'ai des gilets de match aussi, mais des cadeaux que je donne à des amis proches de moi qui savent qu'ils sont intéressés au soccer. Ce que j'ai mis, ce que j'ai posté sur Facebook, les drapeaux, c'est que c'est un, c'est le match de la journée, les matchs qu'on est allé voir. Donc, j'ai acheté ces quatre-là après les matchs ou avant les matchs. Ça dépendait des situations, ce qu'on les voyait. Puis, un jour, si j'ai Espoir Soccer à moi, ce sera des moments de décoration parce que c'est des beaux drapeaux de couleur. Puis ça ramène un peu le souvenir du moment. La même chose que j'ai fait à Madrid il y a au mois d'avril dernier. Quand on est allé voir le Real Madrid, ils se vendaient dans la rue, là, le match du jour. Donc, le Real contre l'équipe qui jouait. Même chose avec l'Atlético Madrid. Donc, c'est des souvenirs que j'ai, que j'aime bien, acheter pour un jour pouvoir les partager au lieu Espoir Soccer, que si un jour j'aurai un lieu vraiment à moi. Là, OK, sûr. OK. Dis-moi, tu vas trouver ça dur de retourner, de retrouver l'impact après ça? Parler de l'impact? Ben, écoute, c'est quand même intéressant de voir que l'impact va bien, là, avec une victoire hier en Ligue des champions canadienne, pour la Ligue, pour l'accès à la Ligue des champions CONCACAF, championnat canadien. Donc, là, c'est le début. On gagne 1-0 à Montréal. C'est sûr que c'est pas la même chose. On peut, la comparaison est difficile, là. C'est très difficile, mais c'est quand même notre club ici au Québec. Ouais. Il y a une belle équipe. C'est le fun de voir que, pendant le départ, j'ai suivi ça un peu de loin, mais c'est le fun. L'Impact, présentement, sont en sixième place. Ils seraient dans la Coupe MLS si ça continue comme ça. Il y a une belle lancée. Ça a été très difficile en début de saison. Là, ce qui est le fun de voir, c'est qu'ils ont gagné plusieurs matchs. Taider a l'air à s'être ouvert un peu, à avoir montré ses qualités de joueur. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait un Français brillant qui semblait s'en venir avec l'Impact. Ça a l'air Jimmy Brillant, un bon joueur en France. Ce serait intéressant, ça, de voir ce joueur-là à Montréal. On l'avait dit, je pense qu'après la Coupe du Monde, il allait arriver des nouveautés un peu, mais tant mieux. Puis les gens de Montréal ont le droit, méritent d'avoir un club qui va aller à la Coupe MLS, puis qui réussira peut-être à aller à la Ligue des champions CONCACAF, mais ce ne sera pas facile la semaine prochaine à Vancouver, et après probablement à Toronto, qui a gagné aussi 1-0 contre Ottawa hier. Là. T'as-tu vu Québec? T'as-tu vu des Québécois? Des Québécois, Danny, là, j'en ai vu un. À te dire franchement, là, ben, en montant dans l'avion, on a vu un Mexicain qui arrivait de Québec, qui allait voir un match de l'équipe mexicaine. Mais après ça, on n'en a pas vu du tout, à part que notre dernière nuit, quand on est parti pour prendre l'avion à Moscou pour retourner ici, là, pour revenir, on a vu un gars de Montréal qui est rendu en Thaïlande, en Asie, qui travaille pour Adidas. Le gars il a étudié pour la qualité là, au niveau administration. Puis ils ont travaillé sur le ballon Adidas un peu. Là, c'était ça son travail. Puis c'était une belle rencontre. Un gars de Montréal. C'est pas que ça n'a pas été long que. Mais quand les Québécois, on s'entend parler, c'est pas long qu'on se reconnaît. Là. Les Canadiens, un peu de Canadiens ici et là, de Vancouver, de Calgary, de Toronto. Lors du match de demi-finale, on avait un gars de Toronto avec son fils à côté de nous, qui était assez à côté de nous, très sympathique, un Italien. Et puis, c'est drôle, on était chanceux, à la Place Rouge, on l'a revu par hasard. C'était vraiment une drôle de rencontre. Des Canadiens, pas beaucoup de Québécois. Il y avait un journaliste, Arcadio Marcucci, qui était là, c'est le seul Québécois. Tu l'as-tu vu? Je lui ai envoyé des pauses pour peut-être prendre une bière à Moscou avec, mais... Le gars avait l'air très occupé, il répondait pas bien. Les gars de Montréal, au niveau média, ça devait être comme ça que ça fonctionne un peu. Bon, OK, OK. Ben, Benoît, c'était un super de beau trip. Ça fut fort agréable et également collaboré. Puis à partir de la semaine prochaine, on recommence nos chroniques de soccer régional puis l'Impact. Oui, et puis je suis bien content de partager ça avec mes amis. Puis mon compagnon de voyage, Pierre Vincent, qui est vraiment un super compagnon de voyage. On a eu de beaux moments ensemble, de belles rencontres, des belles jases de foot, des jases de vie. Puis, bien content. Un trip de vie que je viens de vivre là, puis la victoire de la France en finale. Ben que demander mieux. Oui, bravo. Ben Benoît, on s'en reparle bientôt. Yes, salut Denis. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence soccer au 5.